il reprit, aussitôt installé. « Oui, je m'écarte à chaque instant de mon récit. C'est que j'ai beaucoup réfléchi. J'envisage bien des choses sous un autre angle et je tiens à tout dire. Nous nous fixâmes donc en ville. Là, l'existence est plus supportable pour les malheureux. On peut y atteindre l'âge de 100 ans sans s'apercevoir qu'on est pourri et mort depuis longtemps. On n'a pas le temps de songer à soi. On est toujours absorbé. Les affaires, les relations, les maladies, les plaisirs de l'art, la santé des enfants, leur éducation. On reçoit des visites, on en fait à droite et à gauche. On va voir tel acteur, entendre telle chanteuse. Dans toute ville, il y a 2 ou 3 célébrités qu'il faut forcément connaître. On est pris tantôt par sa propre santé, tantôt par celle de tel ou tel enfant, par les instituteurs, les professeurs, les gouvernantes. Et néanmoins, la vie reste vide et sans intérêt. Nous vivions ainsi et nous souffrions moins de notre vie commune. Au début, d'ailleurs, nous étions absorbés par l'arrangement de notre nouvelle existence. C'était pour nous une excellente occupation. Puis, nous avions les voyages de la ville à la campagne et de la campagne à la ville. Un hiver s'écoula ainsi. Dans le second hiver arriva un incident qui passa inaperçu, qui semblait de minime importance, mais qui, au fond, fut le point de départ de l'événement final. Ma femme tomba malade. Les médecins lui prescrivirent et lui enseignèrent les moyens d'éviter toute conception nouvelle. J'en conçus un dégoût profond. Je voulus m'y opposer, mais avec une légèreté opiniâtre, elle insista et je dus me rendre. La dernière justification de notre existence immorale, les enfants, nous était défendue. Notre vie n'en devint que plus ignoble. Le paysan, l'ouvrier ont besoin d'enfants, bien qu'ils aient de la peine à les élever. C'est là la justification de leur relation conjugale. Nous, dès que nous en avons quelques-uns, nous n'en désirons plus. Ce ne sont que soucis, dépenses, cohéritiers, une vraie charge. Dès lors, plus d'excuses pour l'impureté de notre existence, pour les moyens artificiels que nous employons. Mais nous sommes tellement dégradés que nous ne jugeons pas cette excuse nécessaire. La plupart des gens cultivés s'adonnent aujourd'hui à cette débauche, sans le moindre remords. Comment pourrait-il y avoir remords, puisque nous n'avons plus de conscience, à part cette conscience de l'opinion publique, si l'on peut lui donner ce nom, et celle du code pénal? Ici, ni l'une ni l'autre ne sont touchées. L'opinion publique ne saurait nous gêner, puisque tous, Madame X et Monsieur Y, font de même. Et comment ferait-il autrement, à moins d'augmenter le nombre des mendiants et de se priver des plaisirs de la vie mondaine? Le code pénal ne nous gêne pas davantage, et nous n'avons pas à le craindre. Ce sont les filles perdues et les femmes à soldats qui jettent leurs enfants dans un puits ou dans une mare. Celles-là, on les met en prison. Chez nous, tout se fait en temps opportun et proprement. Nous vécûmes ainsi 2 ans encore. Le moyen conseillé par les canailles de la faculté avait donné d'excellents résultats. Ma femme se développa et embellit comme une fleur d'automne. Elle le sentait et s'occupait beaucoup de sa personne. Elle en était arrivée à cette beauté provocante qui excite les hommes. Elle était dans tout l'éclat d'une femme de 30 ans, débarrassée de tout devoir maternel, bien nourrie et excitée. Sa vue faisait peur, comme celle d'un cheval oisif et fougueux auquel on vient d'enlever les rênes. Comme pour 99% de nos femmes, il n'y avait plus de frein à sa conduite. Je m'en aperçus et j'en fus épouvanté. Poznichev se leva soudain et s'assit près de la fenêtre. « Excusez-moi, » fit-il. Puis demeura 3 minutes, le regard fixé dehors. Ses traits s'altérèrent. Son regard terne prit une expression piteuse. Et un étrange sourire plissa ses lèvres. Il soupira profondément, puis se rassit en face de moi. Oui, reprit-il après avoir allumé une cigarette. Dès qu'elle cessa de concevoir, elle commença à prendre de l'embonpoint, et sa maladie, ses inquiétudes constantes pour ses enfants, passa. Le fait important ne consista pas dans la disparition de cette maladie, mais en ce qu'elle se réveilla comme d'une torpeur, qu'elle vit un monde rempli de joie sans nombre, un monde qui lui était resté caché jusque-là, dans lequel elle n'avait pas appris à vivre, qu'elle ne comprenait pas. Il faut jouir du moment, le temps passe et ne revient plus. Voilà, je crois, quelles étaient ses pensées, ou plutôt ses sentiments. D'ailleurs, elle ne pouvait ni sentir, ni penser autrement. Son éducation lui avait implanté l'idée qu'une seule chose est ici-bas digne d'attention, l'amour. Elle s'était mariée, avait un peu goûté de cet amour, mais moins bien qu'elle ne l'avait espéré. Que de déception, que de souffrance. Et ce martyr inattendu, les enfants. Ce martyr l'avait exténué. Par l'obligeance de messieurs les docteurs, elle apprend un beau jour que l'on peut parfaitement se passer d'enfant. Cela lui avait causé une vive joie que l'expérience ne fit qu'accroître. Et elle continua à vivre pour la seule chose qu'elle connut, pour l'amour. Mais l'amour pour un mari souillé de jalousie et de haine n'était plus son idéal. Elle rêvait d'une autre tendresse, nouvelle, plus pure. C'était du moins l'idée que je me faisais d'elle. Elle épiait de tous côtés, comme si elle attendait quelque chose. Je le remarquais, et une anxiété profonde m'envahit. Partout et toujours, quand elle causait avec moi par l'intermédiaire de tiers, c'est-à-dire quand elle parlait avec des étrangers, mais avec l'intention de me le faire entendre, elle répétait bravement, oubliant qu'une heure avant elle avait dit le contraire, elle répétait, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, que les soucis maternels étaient une erreur, et qu'il ne valait pas la peine de donner la vie à des enfants tant qu'on est jeune et qu'on peut jouir de la vie. Dès lors, elle s'occupa moins des enfants, ne faisant pas preuve à leur égard du même dévouement qu'autrefois, mais par contre plus préoccupée d'elle-même, de son extérieur, bien qu'elle cherchât à le dissimuler, de ses plaisirs et même de son perfectionnement en certaines choses. Elle se remit avec enthousiasme au piano qu'elle avait complètement négligé. Ce fut là l'origine de la catastrophe. Poznichev tourna de nouveau son regard fatidique vers la vitre. Puis, ayant fait un effort sur lui, reprit. À ce moment parut l'homme. Poznichev s'arrêta et fit entendre deux ou trois de ses singuliers reniflements. Je pensais qu'il lui était pénible de nommer cet homme et de se ressouvenir. Mais il fit un geste énergique, comme pour écarter l'obstacle qui obstruait sa route, et continua d'un ton décidé. C'était un vilain monsieur, à mon sens. Non par le rôle qu'il a joué dans ma vie, mais parce qu'il était réellement tel. Ce fait d'ailleurs que c'était un vaurien m'amène à conclure à l'irresponsabilité de ma femme en cette action. Mais si ça n'avait été lui, c'eût été un autre. Il se tut un moment, puis... C'était un musicien, un violoniste. Non, un musicien de profession, mais mi-homme du monde, mi-artiste. Son père, propriétaire d'importants domaines et voisin du mien, s'était ruiné. Les enfants, trois garçons, s'étaient débrouillés tout seuls. Notre homme, le cadet, fut envoyé chez sa marraine, à Paris. Il entra au conservatoire. Il faisait preuve d'un certain talent musical, en sortit violoniste et joua dans des concerts. C'était un homme. Sur le point de dire du mal de cet homme, Posnichev se retint, puis, après une légère pause, continua brusquement. En vérité, j'ignore quelle était sa vie. Je sais seulement qu'en cette année-là, il revint en Russie et fut introduit chez moi. Il avait des yeux humides, fendus en amande, les lèvres rouges et souriantes, de petites moustaches retroussées, une coiffure à la dernière mode. Il était joli, mais d'un visage commun. En un mot, ce que les femmes appellent un beau garçon, une taille fine, presque de taille féminine, bien proportionnée cependant. Son bassin était très développé, comme chez une femme, comme chez les Hottentots, dit-on. Ils sont aussi très musiciens, prétend-on. Assez promptement familier, mais sachant se retirer à la moindre froideur et conserver sa dignité, il avait un je ne sais quoi de parisien avec ses bottines à boutons, ses cravates aux couleurs claires, et faisait une excellente impression sur les femmes, par ce quelque chose de particulier et de nouveau qu'il portait sur toute sa personne. Ses manières étaient d'une gaieté factice. Il parlait par allusion, par phrases inachevées, comme si son interlocuteur eût été au courant de tout, et qu'il eût voulu plutôt l'aider lui-même à se ressouvenir que de lui faire un récit. C'est cet homme, avec sa musique, qui fut cause de tout. Aux assises, on a tout mis sur le compte de ma jalousie. Cela n'est pas exact, du moins complètement. Au jugement, on décida que j'avais été trompée, que je l'avais tué pour venger mon honneur outragé. C'est bien là leur langage, n'est-ce pas? Et je fus acquittée. Je voulais leur expliquer le vrai motif. Ils crurent que j'avais l'intention de réhabiliter l'honneur de ma femme. Du reste, ses rapports avec le musicien, quels qu'ils aient été, furent sans importance, pour moi comme pour elle. La seule chose importante est ce que je vous ai raconté, savoir ma turpitude. Tout le drame vient de l'arrivée de cet homme chez nous où nous étions plongés dans la plus déplorable confusion. Dans cette haine mutuelle dont je vous ai parlé, au moment où la moindre goutte d'eau devait suffire à faire déborder le vase. Nos disputes, terribles, vraiment, dans les derniers temps, avaient cette conséquence étonnante qu'elles provoquaient en nous des excès de passion bestiale. Si cet homme n'était venu, c'eût été un autre. Si je n'avais pas eu la jalousie comme prétexte, j'en aurais trouvé un autre. Je suis profondément convaincue que tous les hommes qui vivent de la vie conjugale dont je vivais doivent se livrer à la débauche, ou divorcer, ou se tuer, ou tuer leur femme, comme j'ai fait moi-même. Celui auquel cela n'arrive pas est un oiseau rare. Avant le dénouement, j'ai été plus d'une fois sur le point de me suicider. Plus d'une fois, ma femme a tenté de s'empoisonner.